Tu es dans le métro, debout, la gueule écrasée sur la barre, avec le parapluie d'un con qui trempe dans les côtes. Le trajet est long. Profites-en. Médite. On dort les uns contre les yachts. On vit les uns avec les yachts. On a des jets, des grosses voitures. On a des Rolex sans travailler dur. Et au bout du compte bancaire, on se rend compte qu'on est plus riche que tout le monde. L'argent a le pouvoir de rassembler des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Vous lâchez un million, demain Mimi Mathis produit au Hellfest avec Sepultura. Le boss du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a donc appelé les Stones. Hein, leur a dit, les gars, j'adore toutes vos chansons, aussi bien les lacs du Connemara que les gondoles à Venise. Donc les Stones ont raccroché, Nasser a rappelé, il leur a dit, non, en fait, je m'en fous, moi j'écoute Bob Sinclair. Par contre, je vous achète, vous, hein, 4 pour le prix de 3, et votre logo avec la langue, là, on va le coller sur nos t-shirts à la place d'une autre avec la Tour Eiffel, parce que ça va, hein, Hidalgo l'éteint tous les soirs pour lutter contre le terrorisme, et nous, au Qatar, le terrorisme, c'est notre savoir-faire, notre spécialité. D'ailleurs, Jean-Pierre Pernaut fait un reportage là-dessus le 12. Bruno Le Maire l'a annoncé, le gouvernement va rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs de l'ISF, voilà. Soit 400 000 euros en moyenne voilà. Par tête de pipe. Voilà, ça, les premiers de cordée, ils vont pouvoir s'acheter un piolet en or massif et des mousquetons en platine. Ouais, super. Ça me rappelle qu'il faut que tu me redonnes ton rip. Que je te redonne mon rip, par oui, contre. T'arrives à me relire, c'est bon. Ok. Mais du coup, je l'ai sur place à Liège et on m'a mis dans une ces chambres d'hôtel de ouf. Jamais vu ça de ma vie, quoi. Jamais vu une baignoire aussi grande. D'habitude, il y a une famille de caïmans. On manque évidemment. Le lit, je vous explique même pas comment il était soyeux, quoi. C'est vrai, j'ai l'impression d'être couché directement sur les bébés de chez Soupline, quoi. Oh. La télé était énorme, énorme. Nagui m'avait jamais paru aussi grand de toute ma vie. C'est vrai, c'était vraiment gigantesque, quoi. J'ai même pas osé me masturber, quoi. Je me disais, il y a trop d'endroits où on peut dissimuler des caméras ici. J'avais jamais le temps de tout fouiller, quoi. Vraiment. Alors le comte de Paris, c'est vrai qu'il est beau, mais il a 84 ans. Ah non, c'est-à-dire qu'il est un petit peu sec. Non, mais ça, on dirait un tuc. Vous savez les gâteaux à apéro. Donc, s'il y a une révolution, c'est pas la peine de le décapiter, ça va faire des miettes. Hein, juste, ah ouais. Vous le trempez dans l'eau et hop, il va se dissoudre le comte de Paris. C'est aussi dans les pubs que les dames, elles ont leur peau revitalisée, énergisée. La peau énergisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta peau, elle se sent de ouf, elle va en boîte sans toi. Toi, t'es claqué, ce soir, tu fais tisane au lit. Ta peau, elle finit en after chez Claire Chazal. Elle tire de la coupe sur les cuisses de Neymar. Ils ont plus peur de rien, ils inventent même des mots maintenant. Il y a une célèbre marque de cosmétiques, il y a quelques années, qui a sorti une ligne Merveillance. Merveilleuse. Merveilleuse, c'est moi ou ça sent un petit peu l'arnaquance? Le foutage de gueulisme, un tout petit peu.